Bonjour à tous, merci d'être là et merci de tenir la bâche malgré la pluie. Il aurait fait beau, on aurait peut-être été deux ou trois fois plus nombreux, mais c'est pas grave. Alors d'abord je me présente, je m'appelle Lionel Pélisson, j'ai effectué un... Attendez, je vais lancer le chronomètre, comme ça on saura exactement où on en est. Alors, donc je m'appelle Lionel Pélisson, un master d'économie à Dauphine, donc il y a une sorte de temple du néolibéralisme, vous allez comprendre ce que c'est bientôt. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler des traités transatlantiques, donc avant tout le TAFTA, le traité de libre-échange en négociation entre l'Europe et les États-Unis, mais plus généralement la stratégie des traités commerciaux afin de développer des lois sans passer par l'avis des peuples. Donc pour introduire, quand j'étais à Dauphine, en master deuxième année, Cecilia Malmström, qui est la commissaire européenne au commerce, est venue nous faire une petite conférence auprès d'un public quasiment acquis au libre-échange, hein. Mais elle venait nous rassurer sur le TAFTA pour nous expliquer en quoi c'était une bonne chose, et en quoi on ne risquait rien, en quoi la Commission européenne protégeait nos intérêts. C'est quand même étonnant que la commissaire européenne au commerce vienne à Dauphine, dans la faculté du libre-échange, expliquer en quoi c'est une bonne chose. Ça veut dire quand même qu'il y a des questions qui se posent. On va avoir un plan assez rapide. D'abord, cette conférence se base sur le mémoire majeur que j'ai réalisé à la fin de mon master, mais qui était un mémoire surtout d'épistémologie où j'attaquais la méthode des études économiques et qui sont des études vraiment aberrantes scientifiquement. Je pense que n'importe quel scientifique dans une autre science n'accepterait pas ces études et demanderait des moratoires et d'autres études, d'autres méthodes. Mais je pense qu'on va plutôt laisser ça pour les questions si vous voulez revenir dessus, et on va se focaliser un peu sur les critiques de fond concernant le TAFTA. Donc pour introduire, il y a quelques semaines, Pierre Gattaz est allé sur le plateau de France 2 pour nous expliquer ce qui est un peu un leitmotiv de beaucoup d'entrepreneurs capitalistes, qu'il n'était pas là pour s'occuper de politique, mais bien d'économie. Et que l'économie et la politique sont deux choses différentes. Alors, de quelle économie parle M. Gattaz? Il parle de l'économie capitaliste. Qu'est-ce que le capitalisme? C'est un mode de propriété. L'entreprise est définie par la possession de son propriétaire qui a libre cours d'organiser la production et de salarier des personnes qui n'ont pas de pouvoir de décision. C'est un mode de propriété qu'on peut opposer, par exemple, à la propriété religieuse, lors de l'âge féodal, mais encore aujourd'hui avec Daesh, mais aussi à la propriété commune, qui est, on va dire, la revendication des partis d'extrême-gauche depuis des décennies. Alors, il y a le capitalisme, qui est un mode de propriété, et puis il y a ces phases, ces périodes. Ce que les régulationnistes, comme Lordon, appellent les modes de régulation, et qui sont un peu les étapes du capitalisme. Et depuis les années 80, on est dans une nouvelle étape, qui est le néolibéralisme. Qu'est-ce que le néolibéralisme par rapport au capitalisme précédent? Il se caractérise, on va dire, de deux façons. Premièrement, la possession et la gestion de l'entreprise ne sont plus liées. Auparavant, le PDG était aussi le propriétaire. Aujourd'hui, vous avez les actionnaires qui possèdent l'entreprise et le PDG qui n'est qu'un fusible mis là pour, on va dire, prendre le rapport de force sur lui, mais il a relativement peu de pouvoir puisqu'il ne possède pas l'entreprise. D'autre part, il y a un décrochage entre les multinationales et les gros groupes et les États. Auparavant, on avait des stratégies jumelées entre les États et les entreprises. Depuis les années 80, l'objectif très clair des entreprises et de leurs conseils, c'est d'affaiblir le rôle de l'État, d'affaiblir les normes afin de pénétrer les marchés plus facilement et d'étendre le règne du marché. Donc on a appelé ça le consensus de Washington. Le consensus de Washington, c'est un consensus politique néolibéral né dans les années 80 et qui a trois axes majeurs. Premièrement, les libéralisations, c'est-à-dire supprimer les normes, supprimer les barrières pour faciliter l'économie et le commerce. Deuxièmement, les privatisations, donc empêcher les entreprises publiques et avoir que des entreprises privées. Et surtout pas des entreprises communes, évidemment, donc des choses qui appartiendraient aux salariés. Et enfin, la discipline budgétaire, donc vous voyez bien, c'est un bon carcan pour ruiner les États, puisqu'en plus de ne pas avoir d'entreprise pour faire de l'argent, ils doivent avoir une discipline budgétaire et limiter leurs dépenses. Donc ça, c'est en complète contradiction avec toutes les conclusions de l'économie au XXe siècle, et notamment Keynes, qui dit quand même, qui est pas un énorme radical, et qui dit quand même que quand on veut relancer l'économie, il faut bien un acteur un peu plus gros que les autres. Donc Gattaz oppose l'économie à la politique, et finalement, il n'a pas tort. L'économie attaque la politique depuis les années 80. La stratégie de l'économie est de faire de la politique sans passer par le suffrage universel, mais bien par des traités de libre-échange, par exemple. Avant de continuer, j'aimerais juste rappeler que le point principal à comprendre, c'est pas de savoir si le TAFTA passera ou pas, car comme on va le voir, il y a de sérieuses raisons de penser que le TAFTA ne passera pas, mais bien de voir que c'est une stratégie globale qui dure depuis les années 70-80 et qui multiplie les deux par le monde. L'Europe en ce moment vient de signer le CETA, un accord de libre-échange avec le Canada, qui est en phase de ratification. Négocie également le TISA, qui est un accord mondial sur les services. Le TISA, qui est assez flippant, puisqu'il est dans le texte des négociations, il est spécifié qu'on n'aura pas le droit de revenir à des niveaux de régulation supérieurs à 2015, ce qui est complètement arbitraire, et qui poserait 2015 comme une année hyper régulatrice, et on n'aura plus jamais le droit de faire mieux que 2015. Mais 2015, c'est déjà bien après le début du néolibéralisme. Ensuite, le CETA, l'accord canadien européen de libre-échange. CETA, on pourrait aussi appeler ça canon d'extermination de la tradition agricole, puisque dans cet accord, déjà 90% des indications géographiques protégées ont été supprimées. Donc si vous aimez le camembert, bientôt il y aura du camembert canadien, c'est tant mieux pour vous. Mais on va parler donc plus spécifiquement du TAFTA. Alors le TAFTA, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a deux phases stratégiques pour les néolibéraux. D'une part, la stratégie internationale, les traités de libre-échange, etc., lier les bourgeoisies entre les peuples, et la stratégie intranationale, qu'on voit très bien à l'œuvre en ce moment, loi travail, loi sur le renseignement, loi Macron. Ces choses-là sont complètement, se combinent complètement. Pourquoi ? Parce que le traité de libre-échange vise à harmoniser les standards internationaux, vise à harmoniser les standards entre les blocs signataires. Or, si l'Europe baisse ses standards dès maintenant, il sera beaucoup plus simple de signer des traités de libre-échange, puisque les États-Unis ont des standards moins élevés. Donc il est important de voir que ces deux choses vont ensemble et qu'il faut lutter à la fois contre les traités de libre-échange et contre les lois néolibérales à l'intérieur des pays. On va le voir, hein. Mais les deux objectifs en gros principaux de ces traités, c'est d'une part la protection des investisseurs, qui va prendre une ampleur gigantesque aujourd'hui dans ces traités, et d'autre part la suppression de ce que les commerciaux appellent les barrières non tarifaires. Donc par barrière non tarifaire, on peut entendre en fait l'ensemble des lois et des normes qui protègent les gens. Le SMIC est une barrière non tarifaire, évidemment, puisque une entreprise qui veut investir en France fera plus d'argent si jamais le SMIC est plus bas. Donc une entreprise peut réclamer, on va le voir, ou porter plainte quand le SMIC est élevé, parce que ça porte préjudice à ses investissements. Donc pour finir cette conclusion, rappelons qu'en gros, depuis les années 90, on a changé de stratégie pour faire des traités de libre-échange. Auparavant, c'était les tables multilatérales, comme l'OMC. Donc on essayait de faire l'OMC, de se rencontrer à l'ONU pour faire des grands traités et des règles mondiales. Depuis les années 90 et les freins et les échecs de l'OMC, on a une phase où les blocs négocient directement entre eux, ce qu'on appelle les tables bilatérales. Et évidemment, le rapport de force n'est plus le même quand les États-Unis négocient directement avec le Nicaragua. Ce qui se passe dans le traité est très différent en termes de décision. Et surtout, les traités sont plus profonds. Quand on parle de profondeur d'un traité, c'est qu'il va plus loin dans la politique d'un pays. Et aujourd'hui, les traités parlent du nucléaire, de la santé, alors qu'ils sont censés parler du commerce à la base. Donc pour les néolibéraux, le TAFTA est ce qu'on appelle une stratégie de croissance par les exports, une stratégie qui a maintes fois prouvé son échec, mais qu'on essaye encore de mettre en œuvre parce qu'on n'échange pas assez. Hein. Nos portables sont juste tous américains, mais il faut échanger encore plus pour faire un peu de croissance. Donc on va voir tout de suite le deuxième point de la conf, le mandat de la Commission européenne, voyons ce que la Commission européenne elle-même dit de ce qu'il y aura dans le traité. Donc d'abord, contrairement aux idées reçues, le traité ne sert pas vraiment à baisser les droits de douane. Entre l'Europe et les États-Unis, les droits de douane sont environ à 5%, ce qui est très faible. Donc bon, on peut encore baisser les droits de douane, c'est pas ça qui va libérer le potentiel de croissance caché de l'Europe. Et surtout, on se rend compte en lisant le mandat que les deux articles les plus longs, de loin, et les plus précis, les plus descriptifs sur ce qu'il faut atteindre des négociations, sont les articles 23 et 25, et qui ne concernent pas les réductions de droits de douane, mais bien d'une part la protection des investissements, et d'autre part la suppression des barrières non tarifaires. Donc si on lit le mandat, à la fin, il nous semble qu'il y a trois grandes priorités pour l'Europe en ce moment, trois priorités centrales. D'une part, faire converger et harmoniser les normes sanitaires, phytosanitaires, sociales entre les deux blocs. Donc on voit que la loi travail, du coup, qui baisse les standards européens, facilite la signature de ce genre de traité, puisque nous avons les standards les plus élevés au monde. Deuxièmement, la promotion maximale des investissements étrangers contre toute forme d'expropriation, et même beaucoup plus loin, c'est-à-dire contre toute forme de loi qui investirait la rentabilité. Et enfin, toujours dans ce volet protection des investissements, la mise en place de tribunaux extrajudiciaires. Donc tout le monde a dû en entendre un peu parler, c'est un vrai scandale et on va en reparler un petit peu. Donc il est nécessaire de rappeler que cet accord, s'il est signé, et qu'il soit signé ou pas, il y en aura un autre après, il faut en être convaincu puisque c'est pas le premier qu'on repousse. Ce sera un accord très important puisqu'il concernera environ 25 à 30% des exportations et importations mondiales. Et en vertu des lois de l'OMC qui imposent de ne pas discriminer les partenaires commerciaux, ce serait en fait les nouveaux standards internationaux. C'est-à-dire que, étant donné que tous les pays échangent avec l'Europe et que l'Europe échange avec les États-Unis, les nouvelles règles du commerce mondial seraient les règles entre l'Europe et les États-Unis, même pour le Nicaragua qui voudrait échanger avec l'Europe. Mais ce n'est pas encore signé. Donc, on va tout de suite parler en fait d'un petit florilège des craintes légitimes qu'on peut avoir, donc les questions de fond, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on peut craindre. D'abord, il est écrit dans le mandat de la Commission européenne, qui n'est élu, hein, donc c'est négocié par un organisme non élu, avec des réunions des représentants de lobby, donc il n'y a aucune élection là-dedans, et pourtant on va faire des lois. Tout ça se base en fait sur une pseudo-proximité culturelle entre les États-Unis et l'Europe. Alors je rappellerai toutefois que Barack Obama a promis de fermer le camp de Guantanamo, ce qui n'a pas été fait, que les États-Unis n'ont pas ratifié les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, donc notamment le travail des enfants, qu'ils n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto sur la limitation des émissions de CO2, qu'ils épargnent les gaz de schiste contre l'avis du principe de précaution de l'Europe, qu'ils espionnent politiquement tous les blocs et de façon d'une ampleur dont on se rend compte tous les jours, on le sait aujourd'hui, on est surveillé par les États-Unis tout le temps. Et il y a même une alliance objective entre les multinationales et l'État américain. Et puis également, ça c'est plus choquant et plus croustillant, mais un nombre de vétos assez aberrant depuis 50 ans contre l'application des droits de l'homme. Régulièrement, les États-Unis à l'ONU mettent leur veto à l'application des droits de l'homme, surtout dans le conflit israélo-palestinien en général. Donc voilà. Alors, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant. C'est sur le fait que le TAFTA passera probablement pas. Pourquoi est-ce qu'il ne passerait pas ? Parce qu'en fait, il devrait être ratifié par les deux parlements, le Parlement américain et le Parlement européen, et que l'article 31 du mandat des négociations stipule un engagement significatif des deux parties à l'adoption des standards internationaux. Or, parmi ces standards internationaux, bonne pioche, il y a l'Organisation internationale du travail, et les États-Unis n'ont signé aucune des conventions. Or, le Sénat américain ne ratifie jamais un accord qui lui impose de signer les conventions de l'Organisation internationale du travail. Donc, a priori, bon, ce serait faire confiance à la Commission européenne, mais il est possible que si jamais ils portent un petit peu leur courage, à demain, l'accord ne soit pas signé. Et notamment, il y a aussi le standard des protocoles de Kyoto. Donc il y a plusieurs raisons de penser que le Sénat américain ne ratifiera pas l'accord. Et une autre chose qui est un peu fondamentale et dont on parle jamais, les États-Unis n'ont pas le système comptable que le nôtre. C'est-à-dire qu'ils ne comptent pas pareil la richesse, ils ne contrôlent pas pareil leurs entreprises, ils n'ont pas le même langage pour décrire la structure de leur entreprise. Donc en fait, c'est une compétition qui est totalement biaisée. On va appliquer des lois européennes à des entreprises américaines qui nous présentent les chiffres d'une autre façon et qui vont évidemment s'arranger pour que ce soit un peu plus favorable en Europe. Donc ça voudrait dire beaucoup beaucoup d'harmonisation, des choses que les Américains d'ailleurs disent officiellement qu'ils ne ratifieront pas. Le gouvernement américain a dit qu'il ne changerait pas les règles comptables avant au moins 20 ans. Donc a priori, à moins que l'Europe se devienne les États-Unis, ça a beaucoup de chances de ne pas passer. Mais comme je vous l'ai déjà dit, ce qui compte c'est l'ensemble de la stratégie de développement néolibéral et des traités qui sont signés, comme le traité canadien qui a été signé. Donc sur la protection des investissements et les tribunaux extrajudiciaires, donc pour en dire un mot, c'est comme si vous mettiez un troisième pilier au contrat social. Avant on avait l'État qui signe avec les citoyens une sorte de contrat social qui le protège en échange de l'impôt, etc. Et maintenant vous avez un troisième pilier qui est l'investisseur. Aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais si le TAFTA est signé, l'investisseur pourra, quand l'État prend une décision politique, donc une norme sociale, une norme environnementale, attaquer cet État devant des tribunaux extrajudiciaires, donc même pas des spécialistes du droit, hein, des spécialistes du commerce qui ne sont pas élus non plus. Et pourra attaquer cet État au motif que sa décision freine la rentabilité de son investissement. Donc vous avez trois piliers au contrat social, la rentabilité de l'investissement, l'intérêt citoyen, l'intérêt de l'État maintenant. Donc il est évidemment pertinent de s'interroger sur la pertinence de l'insertion d'un troisième pilier au contrat social. Il faut rappeler donc que ces tribunaux extrajudiciaires ont déjà été repoussés lors de la signature de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, qu'ils étaient prévus mais que la mobilisation populaire les a repoussés. Et que ça revient à la charge évidemment. Dans le texte, les tribunaux extrajudiciaires permettront aux groupes privés d'attaquer les États si, je cite, ils ne garantissent pas un cadre réglementaire conforme aux prévisions des investisseurs et en cas d'expropriation indirecte. Un terme extrêmement large, et là ça peut faire un peu flipper parce que qu'est-ce que l'expropriation indirecte ? Est-ce que des pertes de parts de marché c'est une expropriation indirecte ? Le terme n'est pas défini. Une autre chose à savoir qui est relativement choquante, aujourd'hui il y a déjà des tribunaux extrajudiciaires, notamment dans le cadre des accords pacifiques, etc. Donc systématiquement les entreprises gagnent, c'est déjà ça qui est bon à savoir, les États ne gagnent jamais. Deuxièmement, 15 avocats, 15 personnes, donc des gens qu'on peut réunir pour rompre physiquement, se partagent plus de la moitié des affaires. Donc c'est pas la théorie du complot, c'est juste un scandale, c'est tout. C'est 15 personnes vont dirigent le droit international, le troisième pilier du contrat social. Donc c'est quand même assez intéressant. Quelques petits exemples pour vous rappeler à quel point ça peut être croustillant. L'Équateur a dû verser 2 milliards d'euros à une compagnie pétrolière en 2012. Les sociétés européennes se sont unies pour porter plainte contre l'Égypte après les printemps arabes lorsque l'Égypte a augmenté le SMIC, très moral. Philip Morris a obtenu beaucoup d'argent du gouvernement australien suite aux législations anti-tabac, très moral. Et il y en a d'autres, je vous dirai ça. Alors, par exemple, il y a un groupe énergétique allemand qui a obtenu plusieurs milliards parce que l'Allemagne a fermé des centrales nucléaires. Donc en France, où on en a un paquet à fermer, ça fait rêver, quoi. Non seulement ça va coûter très cher, mais en plus, il faudra donner 2 milliards à chaque entreprise énergétique. Donc plus globalement, le TAFTA va sacraliser la protection des investissements étrangers et permettra à 58 000 filiales américaines, les Américains sont déjà là, hein, d'être mieux protégées que les filiales européennes en Europe. Tout simplement puisque les tribunaux extrajudiciaires ne s'adressent pas aux Européens pour la législation européenne. Donc c'est un avantage énorme donné aux 58 000 filiales américaines en Europe. Un avantage commercial et industriel. Maintenant on va parler de la suppression des barrières non tarifaires. Donc un petit florilège de choses. Je rappelle juste avant que 92% des réunions de négociation du TAFTA ont été faites entre la Commission européenne et des lobbies de groupes privés, non pas des ONG et des groupes sociaux. Donc c'est un petit peu biaisé. Jean-Paul Carré rappelle, bon, on peut dire que les tribunaux extrajudiciaires s'attaquent aux barrières non tarifaires puisqu'ils s'attaquent aux lois, mais on rappelle par exemple qu'en fait ça permettra peut-être à une entreprise privée d'assurance d'attaquer la caisse primaire d'assurance maladie pour concurrence déloyale, à une société d'intérim d'attaquer Pôle emploi pour concurrence déloyale, à une société privée d'eau d'attaquer une société publique d'eau, et évidemment, et c'est le plus grossillant, aux écoles privées d'attaquer les écoles publiques en justice. Là je crois qu'on touche au sommet du projet. Donc ça, j'ai déjà dit. Alors, vous avez peut-être lu ce dossier. C'était un dossier qui est paru dans Le Monde Diplomatique en juin 2014 et qui était assez intéressant parce qu'il listait des menaces côté américain et des menaces côté européen. Donc, c'est pas mal aussi de voir que les Américains risquent aussi de perdre des choses. Donc, pour les Américains, il faut rappeler que leurs normes financières sont bien plus élevées qu'en Europe. En 2008, ils nous ont envoyé la plus grosse crise financière de l'histoire. C'est peut-être une bonne idée que les États-Unis gardent une protection financière supérieure aux Européens. Bon, il y a plein de choses, je vais pas tout dire, hein, mais par exemple, les médicaments sont souvent mieux contrôlés aux États-Unis. Monsanto fait publiquement pression pour la suppression des étiquetages OGM, et ça c'est une menace pour les Américains parce qu'il y a beaucoup plus d'OGM là-bas. Et puis on va passer à l'Europe parce qu'on est européen. Donc quels sont les risques pour les Européens? Évidemment l'érosion des droits des travailleurs en cas d'harmonisation du droit du travail, parce que le droit du travail américain c'est une vraie blague. Une dégradation de la représentation et de l'information des salariés, puisqu'on va renforcer le commerce international, mais que les législations sur l'information des salariés s'arrêtent aux frontières. Donc les entreprises américaines en Europe n'auront pas les obligations d'information des salariés lorsqu'elles ferment une entreprise, par exemple, des choses comme ça. Donc un allègement évidemment des standards techniques, des normes chimiques, on parle beaucoup du poulet au chlore, etc. C'est des exemples qui sont vrais et qui sont réels et qui peuvent arriver. En Europe, on a encore le principe de précaution, par exemple sur le gaz de schiste, ça aussi ça peut être évidemment mis à mal, si jamais c'est une norme considérée comme une barrière non tarifaire. Évidemment, le traité et le mandat de la Commission ne parle ni de limitation des inégalités, ni d'engagement sur les standards en termes d'écologie, ni d'engagement sur la mobilité des personnes. Bref, à peu près tout ce qui nous intéresse pour notre survie à court moyen terme n'est pas dans le traité. Ce qui est dans le traité, c'est comment supprimer ces lois pour faire plus de commerce. Un risque évidemment d'accroissement du chômage, parce que la concurrence américaine va être très très très forte. Il y a des secteurs américains qui vont nous déchirer. Hein. Google va déchirer les entreprises américaines, françaises ou européennes de télécommunications. L'agriculture américaine est beaucoup plus performante que l'agriculture européenne. Quels sont les pays européens qui font l'agriculture? Baf, ceux qui sont déjà en crise. L'Espagne, la Grèce, l'Italie. Donc pour eux, ça va déjà pas bien. Avec le TAFTA, ça risque d'être spécialement compliqué. Il y a un rapport aussi du Transnational Institute assez intéressant, donc qui parle justement de ça et qui estime qu'on va accroître les inégalités au sein de l'Europe. Parce qu'en fait, on va affaiblir encore plus déjà dans les difficultés économiques, parce que leur économie dépend beaucoup plus de l'agriculture, sur lesquelles les États-Unis sont intraitables. Il faut aussi rappeler que le renforcement de la propriété intellectuelle et des brevets, qui a déjà empêché par exemple le combat de la malaria en Inde, parce que les génériques étaient devenus un délit à cause des nouveaux accords sur la propriété intellectuelle, il fallait que ce soit la grande firme américaine qui ait le brevet qui apporte le médicament, sauf qu'elle ne le faisait pas parce que ce n'était pas rentable. Donc on va encore aggraver les pénuries de génériques, et aggraver les pénuries sur les traitements du sida qui ne sont pas rentables, etc. Et évidemment, la question dont tout le monde se fiche mais qui est quand même un peu importante, le TAFTA va accroître la pression sur les ressources naturelles et accroître les émissions de CO2. C'est quand même pas la priorité absolue des peuples en ce moment. C'était un des cœurs de mon mémoire, je vais pas en parler, mais je rappelais aussi que par le passé, les États-Unis ont signé de nombreux accords de libre-échange et que leurs partenaires déchantent le plus souvent. On peut rappeler qu'El Salvador a vu sa balance commerciale se dégrader de 350% en un an. Donc en gros, ils gagnaient 2 milliards, ils ont commencé à en perdre 16 par an. On peut rappeler également que le Mexique, qui a signé un accord de libre-échange en 1994, est devenu le 18e pays sur 20 d'Amérique latine en termes de performance économique, donc un accord qui a été très très fluctueux pour eux, et que l'émigration vers les États-Unis a littéralement explosé après la signature du traité. Il faut rappeler aussi que les États-Unis, dans certains traités, perdent énormément d'argent. Le déficit commercial avec le Mexique a été de 177 milliards de dollars lors de la signature de l'ALENA, ce n'est pas une vraie victoire économique, comme on dit. Alors, ensuite, il faut rappeler que la Commission européenne, pour... faire passer ce traité se base sur des études, évidemment, et c'était ce dont je parlais beaucoup dans mon mémoire. Ces études, il se trouve, c'est étrange, hein, mais il y a 3 études commandées par la Commission européenne, et malheureusement, les 3 études ont été réalisées avec la même base de données et le même modèle. Donc pour n'importe qui fait de la science ici, c'est aberrant. 3 études donnent évidemment les mêmes résultats optimistes, puisqu'elles ont la même méthodologie, les mêmes données, le même modèle pour les estimer. Il existe beaucoup de modèles en économie qui permettent de réfléchir. Si vous avez des questions sur les faiblesses de ces modèles, j'ai vraiment creusé ces faiblesses, donc on pourra voir après sur techniquement ce qui se passe et pourquoi est-ce que les hypothèses sont aberrantes. Mais rappelons quand même que ces études optimistes prévoient grosso modo 0,5% de PIB en plus dans 20 ans. C'est pas non plus hyper optimiste quand on perd toutes nos normes en échange. Et que ces études optimistes concluent quand même que l'Europe va s'appauvrir. C'est-à-dire que même dans les études optimistes, on voit que la balance commerciale de l'Europe se dégrade. Donc bon, énorme promesse. On voit également, donc ces études optimistes disent que le CO2 va augmenter de 0,07% grâce à cause du traité, les émissions mondiales, que l'utilisation terrestre, la pression sur les terres agricoles augmentera de 0,05% à horizon 20 ans. Donc c'est pour une étude optimiste, c'est quand même pas mal. Et puis, ce sont des études, c'est quand même assez étrange, hein, on est en Europe en ce moment, mais des études qui ne prennent ni en compte le chômage, ni l'austérité. Donc c'est quand même notre actualité la plus brûlante, mais ces études réfléchissent comme si on avait 0% de chômage et toute la latitude budgétaire, alors qu'on a bien vu que la stratégie c'était d'affaiblir les États en même temps. Donc c'est sûr que voilà, tout ça se passe très bien quand on fait des études où tout se passe bien à l'avance. Il faut savoir aussi, par exemple, il y a quelque chose d'intéressant. Dans ces études, on déduit les variations d'emploi, donc la création d'emploi, des variations de demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une entreprise reçoit 5 euros, elle crée 5 euros d'emploi. Mystique. Alors, ça ne se passe jamais comme ça, mais ça va se passer comme ça d'après les études économiques. Donc forcément, en termes de réduction du chômage, d'après les études optimistes, c'est merveilleux le TAFTA. Et encore pas tant que ça, d'ailleurs. Alors pourtant, en économie, et même chez les plus orthodoxes, on sait très bien qu'il y a une chose qui se passe quand on fait un traité de libre-échange, c'est ce qu'on appelle la rationalisation du tissu productif. C'est-à-dire qu'on sait que les petites entreprises vont fermer et que les grosses entreprises vont récupérer leur marché. Et une autre chose qu'on sait en économie, c'est que plus une entreprise est grosse, moins elle emploie de salariés par unité de chiffre d'affaires. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus les entreprises sont grosses, moins il y a d'employés par rapport à l'argent produit, à la valeur produite. Donc on est en train de faire passer des traités qui vont rationaliser le tissu productif, fermer les petites boîtes et renforcer les grosses. Et donc, ils vont mécaniquement accroître le chômage. Mécaniquement, c'est-à-dire que économiquement, ça accroît le chômage. Mais on nous promet, évidemment, grâce à ces modèles merveilleux et magiques, une diminution du chômage. Une autre chose qu'on sait, c'est que les gains de productivité sont la principale raison des hausses de chômage. Quand un employé produit la valeur que produisaient deux employés 10 ans avant, le chômage a augmenté de 50%, si vous voulez. Alors évidemment, il y a de nouveaux secteurs, de nouveaux emplois. Mais quand on fait un traité dont l'objectif est d'accroître la productivité, on ne peut pas promettre à la fois la baisse du chômage. Il y a un moment où c'est quand même un petit peu magique. Donc ça, c'est voilà, sur les modèles, on va pas s'éterniser. Alors oui, par exemple, il y a aussi autre chose, ces modèles ne posent jamais les hypothèses de coût à long terme des mesures. Donc quel sera le coût de la pollution à long terme? Quel sera le coût des inégalités à long terme? Ces modèles, évidemment, ne réfléchissent pas là-dessus. Mais aussi, quelque chose d'assez choquant, ces modèles posent l'hypothèse de la suppression des barrières non tarifaires. Elles sont estimées en pourcentage et en valeur en argent, alors qu'on parle de SMIC, on parle de choses qui sont des normes sociales, donc quasiment inestimables en argent. Et pour baisser ces normes, il n'y aurait pas de coût. Donc c'est-à-dire que d'après ces études, supprimer le SMIC, supprimer les normes sanitaires, supprimer les normes phytosanitaires, changer nos contrôles à l'entrée des frontières, coûterait 0 euros. Donc forcément, on ne s'appauvrit pas derrière, puisque tout ça est gratuit. Mais tout ça a des coûts énormes. J'ai fini. Et juste, voilà, pour finir, je vous invite à lire une étude, qui est une étude de Jérôme Capaldo, de la Tufts University, une étude américaine, et se chercher de prendre un autre modèle, et pas un modèle très radical, le modèle de l'ONU, donc quand même quelque chose qui est assez institutionnalisé. Mais ce modèle a la force de prendre en compte le chômage et l'austérité. Monsieur Capaldo trouve donc que la signature du TAFTA détruira 600 000 emplois en Europe, fera baisser le PIB global, accroîtra les inégalités au sein de l'Europe, augmentera l'instabilité financière. On a déjà eu une crise mouse à cause des États-Unis en 2008, donc accroître l'instabilité financière et la liaison entre les deux blocs, c'est peut-être pas une très bonne idée. Mais également une baisse des exports, une baisse du salaire réel, une baisse du revenu fiscal touché par les États, donc un accroissement des déficits publics, et une baisse de la part des salaires dans le PIB. Donc si on fait confiance à cette étude, il ne faut pas simplement renégocier TAFTA, il ne faut pas le signer. C'est une erreur stratégique basique. Donc voilà, j'en ai fini. Juste deux petites choses. Je voulais vous parler, je fais un journal avec des amis, ça s'appelle Sonde. Vous pouvez aller sur le site web, c'est collectif-sonde.org. En gros, on sert des bénéfices du journal pour faire des distributions de nourriture aux sans-abri et aux SDF. Ce soir, on sera à 20h au Jardin des Halles à Stalingrad pour distribuer des vêtements. Si vous pouvez en apporter, etc., venir avec nous, ce serait très bien. Et voilà, j'en ai fini. Donc si vous avez des questions... Ah oui, je vous conseille aussi de voir le film L'Encerclement. C'est un excellent documentaire sur comment le néolibéralisme depuis les années 80 agit stratégiquement secteur par secteur pour la libéralisation et plus comme avant en passant directement par le politique. Voilà, merci à vous et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Ma question est très courte. Pourquoi on entend toujours le mot néo devant libéralisme? Alors, comme je l'ai dit au début, en fait, il y a ce qu'on pourrait appeler, c'est ce que dit Lordon, hein, les régulationnistes en économie, c'est le capitalisme est un mode de propriété, mais au sein du capitalisme, on a des phases et des périodes historiques. Le néolibéralisme, en fait, correspond à une nouvelle phase historique dans le capitalisme depuis les années 80, et que j'ai caractérisé par deux choses. D'une part, la déconnexion entre la propriété et la gestion des entreprises. Maintenant, les PDG ne sont plus les actionnaires. D'autre part, le fait que maintenant on s'attaque à l'État alors qu'avant on agissait de concert avec lui. Donc c'est ça le néolibéralisme, c'est du capitalisme avec de nouvelles stratégies. Maintenant il s'agit d'affaiblir l'État pour que le marché règne. C'est pour ça que c'est néo. Mais ça reste libéral, hein, mais il vaut mieux être libéral que néolibéral, ça devient franchement taré hein, le néolibéralisme. Ultra-libéral marche aussi, ouais. Bah, c'est presque libertarien, c'est-à-dire l'idée c'est vraiment l'idéal du monde, c'est un marché complet, sans loi, sans normes, et chacun se défend. Et c'est vrai que les néolibéraux ont vraiment cet héritage intellectuel, alors que les libéraux, en fait, à la limite, s'inspiraient de Smith, etc., et que Marx s'inspire de Smith. Donc il y avait beaucoup plus de productivité à parler avec les libéraux, parce qu'au moins ils reconnaissaient que la valeur venait du travail, par exemple. Aujourd'hui, pour les néolibéraux, la valeur ne vient pas du travail, elle vient du commerce, strictement. Voilà. Oui, bonjour, je voudrais revenir sur un point que vous avez abordé tout au début. Bon, effectivement, TAFTA a du plomb dans l'aile, c'est très bien, peut-être qu'il ne sera pas signé, mais il faut surtout pas se dire que, bon, bah, ok, c'est bon, c'est un faux problème, et puis voilà, parce que il y a le CETA. Alors, le CETA, vous en avez parlé très rapidement, mais parce que l'objet, c'était TAFTA, hein, et merci pour votre exposé. CETA, donc, comme vous avez dit, c'est des accords, c'est exactement comme TAFTA, mais c'est entre l'Union européenne et le Canada, avec une grosse différence. Alors, le contenu est le même. C'est grosso modo à 90%, c'est exactement le même type de libéralisation. C'est aussi dangereux. Où en est CETA? Contrairement à TAFTA qui est en cours de négociation, CETA s'est signé, les négociateurs ont signé, ça y est, c'est fait. Alors quelles sont les prochaines étapes? Il est passé pour une première fois la semaine dernière, ou il y a 10 jours, devant le Conseil européen. Il va être validé par le Conseil européen en septembre-octobre. Plus tard, il passera devant le Parlement européen. Et peut-être, en fonction du caractère mixte ou non d'accord, il passera peut-être, mais ce n'est pas encore certain, devant chaque Parlement national. Donc, la prochaine grosse étape, c'est en septembre-octobre devant le Conseil européen. Et tout de suite après, il se peut, même s'il n'est pas encore passé au Parlement européen, qu'il soit mis en œuvre provisoirement, donc d'une manière absolument non démocratique, mais il va être mis en œuvre provisoirement en attendant le vote des députés. Donc, on me dira, mais CETA, c'est uniquement le Canada, les échanges avec le Canada, je pense, sont moindres qu'avec les États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'il y a une bonne partie des multinationales américaines qui ont des filiales au Canada. Donc, surtout quand vous entendez parler de CETA, associez le mot CETA. Quand vous entendez parler du mot TAFTA, associez le mot CETA. Juste, je profite de votre intervention pour dire que le 4 juin, on fera une journée thématique sur TAFTA et CETA. Donc, si vous voulez, par exemple, intervenir dessus, vous venez nous voir tout à l'heure, on va vous inscrire. Mais voilà, et si vous connaissez aussi des personnes qui veulent intervenir là-dessus, on fera vraiment une journée thématique. Je voulais aussi rebondir sur ce point-là. Quels sont les enjeux, les rapports de force actuellement par rapport au TAFTA qui peuvent vous permettre de dire que ce sera sûrement pas... L'espoir principal qu'on a, c'est assez drôle, il vient des États-Unis. C'est-à-dire que le principal espoir qu'on a qui passe pas, c'est le Parlement américain. Parce que le Parlement européen est beaucoup plus corrompu, beaucoup plus relié à la finance. Enfin, il y a un film qui s'appelle Bruxelles Business, qui a été réalisé par Arte et qui est magique là-dessus. On voit vraiment qu'en fait, les commissaires européens sont dans une grande entreprise, deviennent commissaires européens, deviennent parlementaires, puis reviennent dans une grande entreprise. En Europe, les compétences sont beaucoup plus mélangées, on a beaucoup moins de séparation des pouvoirs. C'est la force des États-Unis, c'est que là-bas, la justice est relativement indépendante, le Parlement est relativement indépendant, le président n'a pas tous les pouvoirs. Donc, le Parlement américain a la meilleure chance qu'on ait que le traité ne passe pas. Et comme je l'ai dit, pourquoi? C'est parce que le Parlement américain est bien meilleur que les parlements européens pour défendre les intérêts américains. Et comme j'ai dit, il y a quand même des sacrés intérêts américains engagés, notamment voilà, la ratification des normes internationales. Les États-Unis sont très attachés à leur liberté et à leurs intérêts. À partir de là, on a une bonne chance qu'ils passent pas si le traité n'est pas 100% favorable aux Américains. Ce qui est possible aussi, parce que pour négocier, la Commission européenne ne semble pas hyper douée, quoi. Mais voilà, a priori, voilà, et comme le disait très bien monsieur, après chaque signature d'accord, il y a les processus de ratification qui sont les moments les plus stratégiques pour nous pour agir. C'est le moment où on peut mettre la pression sur les élus. Si c'est un traité mixte ou non mixte, ce qui voulait dire en gros, c'est quand c'est compétence mixte, c'est aussi du domaine des États. C'est-à-dire que quand un accord est non mixte, c'est simplement l'Europe qui s'en gère. Si c'est mixte, les États doivent aussi le ratifier. Donc si c'est mixte, on a même deux étapes pour faire plier les gouvernants. La ratification européenne, ce qui est très compliqué parce que c'est à Bruxelles, et puis celle devant nos parlements. Donc si jamais le TAFTA passait et le CETA est un accord mixte, on pourra aussi aller devant l'Assemblée et dire ne le signez pas. Ça peut aussi suffire de ce côté-là. Maintenant, voilà, si vraiment c'est très ambitieux, a priori, il sera non mixte, quoi. Si jamais ils voient que ça peut passer et que c'est un super accord pour eux. Voilà. Très court, quand les États si les États qui ont perdu par rapport aux grandes entreprises, si elles refusent de payer, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles ne refuseraient pas? Il y avait monsieur derrière et... Ah. question très rapide aussi, c'est plus par rapport à, donc si j'ai bien compris, désolé, je suis arrivé en cours, donc tu citais pas mal ton mémoire. Est-ce que c'est possible de le retrouver quelque part en ligne? Et autre question, tu citais une autre étude faite avec les chiffres de l'ONU et les modèles de l'ONU, là aussi, est-ce que où est-ce qu'on peut trouver ça? Je voulais simplement comment dire rectifier un petit peu quand tu parles de néolibéralisme, tu dis voilà c'est plus de régulation, plus de normes. Je pense pas. C'est les grandes boîtes capitalistes qui fixent leurs normes, qui font leurs normes et qui les imposent. Tu parlais de des AOC, bon bah voilà c'est typique. Le poulet traité au chlore, ça le sera, ça l'est, c'est une norme américaine, enfin des États, aux États-Unis, qui pourrait le devenir, ailleurs, en Europe. Aujourd'hui, il y a des normes européennes. Quand on est producteur de pommes ou de poires, on les traite pas, on aura beaucoup de mal à les vendre dans le commerce. Il suffit qu'elles soient un petit peu tachées. Et puis, vous pouvez les garder, quoi. Les grandes entreprises cherchent à standardiser, en fonction de leurs besoins, les produits, à la fois en Europe, à la fois aux États-Unis. Et je ne sais pas non plus, d'ailleurs, si au niveau industriel, par exemple, en France et en Europe, on a des règles plus restrictives qu'aux États-Unis. Ça dépend. Je pense que on consomme beaucoup, beaucoup de merde en Europe. C'est-à-dire que on importe des produits qui, pour moi, devraient être interdits à l'importation, interdits à la vente sur le marché. Et aux États-Unis, il me semble que les biens industriels, par exemple, les outils, les textiles, les biens de consommation sont de bien meilleure qualité. D'ailleurs, c'est pas un hasard si dans les études que tu cites, on tomberait en déficit commercial. C'est-à-dire qu'ils produisent beaucoup mieux. Et s'ils produisent beaucoup mieux, c'est parce qu'il y a des défenses, y compris des consommateurs. On ne produit pas n'importe quoi, on ne vend pas n'importe quoi aux États-Unis. En France, il y a tous les ans, on vend 1,5 million de parapluies pliables, comme ceux-ci qui se retrouvent dans les poubelles. Vous voyez, ça, c'est notre quotidien dans un pays comme le nôtre, qui est peut-être beaucoup plus libéral que le marché américain. Et pour finir, il me semble que l'alternative, c'est pas le tout État ou la norme fixée par l'État ou les entreprises privées. On pourrait imaginer, moi c'est comme ça que j'imagine le socialisme, avec un grand S, c'est un système d'organisation collective, de fédération d'entreprises à l'échelle nationale et internationale, avec des conventions et auxquelles participent pour les fixer, pour les réfléchir, les différentes parties. Hein, aujourd'hui, on parle beaucoup des parties, hein, il y a le COP21. Il me semble que une base d'une gestion démocratique de la production, c'est l'intégration des différentes parties, travailleurs, consommateurs, usagers et autres. Juste avant de te passer le micro, si les personnes qui sont un petit peu dans la zone sèche, dirons-nous, peuvent s'asseoir pour que derrière, parce qu'autrement j'ai peur qu'ils ne puissent pas entendre derrière, donc au maximum, voilà, on peut tous se coller, se rapprocher, on va se tenir chaud. Et là où c'est mouillé, on peut pas s'asseoir, mais là où c'est sec, en tout cas, si vous pouvez vous asseoir, ce serait super. Merci beaucoup. Je te laisse. Ah oui. Et simplement aussi. Tout à l'heure à la question, toutes les discussions qu'on fait là, elles sont enregistrées en fait et elles sont mises en ligne donc via la page Facebook Debout Éduc Pop ou Debout Éducation Populaire. Et on a un blog aussi où les enregistrements sont disponibles. Donc vous pouvez tout retrouver sur Internet en ligne. Merci. De très riches interventions. Merci. La première, qu'est-ce qui se passe quand on ne paye pas un tribunal extrajudiciaire? Quand on est les États-Unis, ouais, je pense qu'on peut dire non, ça va. Quoique, vu que c'est eux qui les imposent, ils préfèrent jouer le jeu. Quand on est à l'Équateur face à une entreprise qui pèse le poids en PIB de l'Équateur et qui emploie dans le pays, c'est un pur rapport de force. Quand Vattenfall, qui est une entreprise allemande, a porté plainte contre l'Allemagne sur la fermeture de centrales nucléaires, elle l'a fait en arrivant, comme à chaque fois, dans le traité avec des emplois comme promesse. Comme fait Amazon d'ailleurs. Si Amazon peut s'installer partout et payer les gens en dessous du SMIC, même quand ils sont médecins, c'est parce qu'Amazon promet des emplois. Aujourd'hui, on est dans un vrai chantage à l'emploi permanent des entreprises. Donc c'est plutôt une question de rapport de force. Je pense que les États qui payent sont surtout les petits États. Je pense que Philip Morris a fait payer l'Australie. Parce que l'Australie, voilà, c'était spécifique, mais essentiellement, voilà, ça va être des pays comme l'Égypte qui vont devoir payer face à des compagnies pétrolières. C'est ce genre de rapport de force. Je pense que c'est pas pour minimiser la chose, mais je pense que c'est moins grave pour la France que pour la Grèce, par exemple. Parce que c'est toujours, comme je l'ai dit au début, on est dans une nouvelle phase du capitalisme où maintenant les États sont seuls face aux entreprises. On n'est plus face à des unions, ou de moins en moins, et c'est d'autant plus compliqué en fait de lutter. Mais on est d'accord, hein, y a reste un allemand qui oblige à payer. Enfin, on n'enverra pas d'armée de l'ONU si on paye pas. C'est un rapport de force. Quoi. A priori. voilà. Où est-ce qu'on peut trouver le mémoire? Bah, du coup, sur le site du média que j'ai présenté tout à l'heure, collectif-sonde.org. Sinon, vous pouvez aussi trouver une version résumée du mémoire sur le site de Jean Gadret, qui est un économiste hétérodoxe. Et voilà. Et puis, donc, sur le site du collectif Sonde, vous pourrez trouver à la fois le mémoire, à la fois sa version raccourcie, et aussi une version hyper raccourcie de 2 pages pour juste avoir les arguments de base, quoi. Ensuite, très bonne intervention tout à l'heure. C'est un peu ce que j'ai dit au début, c'est que la question c'est pas qu'il n'y a plus de normes et qu'on supprime les normes, c'est qu'on fixe les normes sans passer par le suffrage. C'est vraiment la nouvelle stratégie. Donc on va fixer des normes, c'est vrai, mais le critère social n'est plus l'acceptation du citoyen, c'est la rentabilité. Et le gris, ça court-circuite considérablement. Voilà. Donc je suis d'accord avec toi, il y aura de nouvelles normes, simplement des normes fixées avec le critère social de rentabilité, pas le critère social de suffrage universel, de l'acceptation démocratique. Et évidemment, ces normes sont beaucoup moins protectrices pour nous. Et là où je suis d'accord aussi, c'est que la solution, c'est évidemment pas le tout État. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça qu'au début, j'ai opposé la propriété capitaliste à la propriété commune. C'est qu'il me semble que tant pour éviter les guerres que pour éviter plein de choses, c'est beaucoup plus simple que les gens partagent ensemble la décision, parce qu'ils y ont matériellement intérêt. Et évidemment, je pense que c'est l'écologie le meilleur exemple là-dessus. C'est-à-dire qu'on se rend compte que même historiquement, les ressources les mieux gérées sont celles qui sont gérées par une communauté qui est assise sur la propriété d'usage. Dès que c'est la propriété privée qui gère les ressources, en gros, les ressources s'éteignent. Une entreprise qui optimise toute seule à côté d'une autre entreprise qui optimise toute seule à côté d'une autre entreprise qui optimise toute seule, c'est beaucoup moins efficace en fait globalement que 3 entreprises qui se mettent ensemble. Alors, voilà, ça peut être le tout État ou ça peut aussi être une fédération. Alors moi, évidemment, je suis comme toi, je pense qu'une fédération socialiste, c'est bien mieux. Ou autogérée, ou tout ce qu'on peut. Donc voilà. Okay. D'autres questions? Déjà bravo pour cette conférence. Ouais, c'est plus une remarque, un point d'intention, c'est que ouais, du coup il y a le TAFTA, le CETA dont on entend beaucoup parler. À côté il y a les APE, les accords de partenariat économique avec l'Afrique du coup. Et là ouais, on en entend moins parler parce que le rapport de force est inversé, c'est plus l'Europe qui s'enrichira, mais en pillant les terres africaines. C'est à peu près la destruction en fait de l'agriculture africaine. Et il joue sur le fait que les populations en Afrique sont bien moins informées sur ce sujet. Donc il y a des associations qui là-bas qui se mobilisent. Il y a l'association ENDA notamment. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est vrai qu'on entend moins parler, mais c'est un sujet très important. Voilà. Du coup, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Le 4 juin, il y a en effet du coup la journée thématique TAFTA-CETA, mais... Avec ce que tu dis là, je me dis il faut absolument rajouter ça dedans. Et donc, si tu veux faire toi une intervention, si tu connais quelqu'un qui pourrait la faire là-dessus, eh ben, je pense que là, c'est plus que nécessaire. Oui. Bonjour. Moi, je ne crois pas que l'alternative se résume au socialisme. Il faut, je crois, ratisser large et voir au-delà de toutes les perspectives concrètes des citoyens. Alors, moi j'ai une question très brève. Est-ce que tu peux refaire le pont avec la loi travail et comment ça peut servir au TAFTA? Alors, vous aviez une question dans vous? Je vous ai vu. Ouais. Alors déjà, c'est une observation, il me semble que j'ai entendu que dans la négociation de traité, la Commission fait selon ses intérêts, c'est-à-dire ou ses doubles compétences ou ses compétences simples. Il ne faut même pas exagérer. Le traité de Lisbonne, c'est très clairement marqué. Il me semble que les États ont aussi un droit de veto, c'est compétences simples. C'est-à-dire quand c'est la Commission qui a compétence toute seule à négocier des grands traités. Allô ? Ma question, c'est que qu'est-ce que vous proposez en fait au niveau de la Commission européenne et des grandes négociations ? Est-ce qu'il faudrait refaire une nouvelle constitution européenne et différemment ? C'est-à-dire comment intégrer les contre-pouvoirs au niveau national et international ? Qui ils sont ? Et comment intégrer ça dans une gouvernance? Et le résultat, est-ce qu'il ne faudrait pas le signer, ce traité? Il faudrait s'y prendre autrement? Il faut changer les institutions? Qu'est-ce que vous proposez? Bon, évidemment, je vais commencer par la dernière question. Complètement d'accord, hein, je fais un traité. J'ai été à Dauphine 5 ans dans le cadre du libre-échange, donc je parle de libre-échange, mais c'est évidemment beaucoup plus vaste que ça. Et en ce qui me concerne, évidemment, je suis pour qu'on supprime la Commission européenne, qui est un scandale. C'est-à-dire que c'est non seulement pas élu, c'est directement désigné par les présidents. Donc moi, c'est complètement indirect. Et moi, en ce qui me concerne, on est un peu dans des systèmes, on va dire, qu'on élabore dans nos esprits, qui sont un peu loin de là où on en est aujourd'hui. Je pense que pour réguler le commerce mondial, ce qu'il nous faut, c'est un objectif politique prioritaire d'autogestion, c'est-à-dire qu'on demande à tous les territoires, avant tout, d'être autonomes. C'est la seule solution viable écologiquement, c'est la seule. Enfin, si on produit tous des choses, si on produit rien qu'on consomme et qu'on consomme que des choses qu'on ne produit pas, ça va pas. Trop de flux, trop de gaspillage, pas assez d'optimisation logique. Donc à partir de là, moi ce que je pense, c'est que premièrement, on passe pour objectif politique prioritaire l'autogestion et en tout cas l'autonomie des territoires. Au-delà de ça, comment on viole ces pratiques? On le viole quand on a un pays qui est comme l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire un désert. Un pays comme ça n'a pas assez de ressources pour subsister. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, au niveau mondial, moi je suis beaucoup plus fervent d'un principe comme celui de l'ONU que celui de la Commission européenne ou celui de l'OMC. Je pense qu'il faudrait des chambres de compensation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'objectif d'autonomie est atteint par la plupart des territoires, le monde entier, ou en tout cas l'Assemblée mondiale, donc un principe d'assemblée hein, avec des assemblées qui désignent des élus, etc., et puis on remonte jusqu'en haut, et cette assemblée aurait tout pouvoir pour, une fois dépasser l'autonomie de chaque territoire, répartir les ressources supplémentaires. On les répartit, donc c'est pas du libre-échange. Après, comment ça se fait concrètement? Je pense que ça peut être des entreprises qui commercent. C'est pas tant problème que ça. La question, c'est quel cadre mondial ou en tout cas quel cadre légal on a. Si l'objectif politique prioritaire, c'est l'autonomie, ça veut dire que avant toute chose, avant d'échanger de l'eau minérale, etc., on s'assure que tout le monde sur le pays de l'eau minérale a un logement, etc. Et on voit après. Et voilà, pour moi, il faudrait des chambres de compensation sur les excédents. Mais c'est quelque chose de, c'est un système qui est aujourd'hui dans la réalité actuelle et on en est très loin, quoi. Voilà. Sur la loi travail, alors comme il y a deux choses, donc sur le côté, on va dire, idéologique et stratégique, la loi travail est une sorte de complément pur des traités de libre-échange, c'est-à-dire les néolibéraux sont à la fois dans le pays et à l'extérieur du pays, donc dans le pays, on supprime les normes de la même façon qu'on les supprime entre les pays, et comme je rebondissais sur le monsieur tout à l'heure, l'avantage des traités de libre-échange, c'est qu'on passe pas par les suffrages, donc c'est beaucoup plus simple. Remarquez, Valls utilise le 49-3, donc on passe pas forcément par les suffrages en France non plus, hein, mais voilà. Et sur le plan, on va dire, organique et mécanique, tous les traités de libre-échange, pour éviter trop d'avoir une fureur populaire et une opposition, parlent d'harmonisation des normes. C'est un terme très pacifique. L'harmonisation des normes, grosso modo, quand vous avez des normes plus élevées, c'est les baisser. Alors, tu avais raison, hein, les normes européennes sont pas systématiquement plus basses que les normes américaines, loin de là. Par exemple, sur les jouets, pour plein d'exemples, les États-Unis contrôlent beaucoup mieux. Après, voilà, à côté, ils mettent du chlore dans leur poulet, donc voilà, le débat est un peu plus complexe. Mais le lien organique entre les deux, c'est que si on harmonise les standards, il faut les standards les plus bas possibles, ou en tout cas les moins différents possibles. Donc l'Europe pourra d'autant plus signer de traité de libre-échange et convaincre le Parlement américain qu'elle ne lui impose pas des normes trop élevées. Donc notamment sur le travail, essentiellement en Europe c'est le travail quand même, et on est des travailleurs, c'est ça qui nous concerne le plus. Si vous faites une loi travail et vous supprimez à la fois les prud'hommes, on sait ce que c'est le cocktail de la loi travail, c'est beaucoup plus simple derrière au niveau européen de définir des standards qui sont beaucoup plus faibles, et ensuite de les harmoniser. Puisque après, il n'y a plus qu'à dire, on est déjà pareil, c'est bon, on signe. Et voilà, je pense que c'est à peu près ça la stratégie. Maintenant, je pense pas que Val se téléphone au lobby américain tous les jours, je pense qu'il y a juste une convergence d'intérêts, ces choses se passent en même temps. Et la loi travail, c'est jamais que la énième attaque contre le code du travail, le TAFTA est jamais que le énième traité de libre-échange. Voilà, le lien n'est pas mécanique et direct, mais c'est des choses qui se renforcent totalement, quoi. Il y a une vraie convergence, tant sur la stratégie idéologique à l'intérieur et à l'extérieur des pays, que sur comment est-ce qu'on fait signer un traité de libre-échange ? Bah, on baisse les lois dans les pays, c'est plus simple. Voilà, et sur juste une dernière chose sur les normes environnementales, hein, on dit souvent que l'Europe est très bien. Si on est très bien, c'est parce qu'on a délocalisé la pollution, c'est aussi une chose. L'Union Européenne, c'est vrai. Que l'Union Européenne est très bonne sur les normes écologiques et sanitaires, ça on l'entend tout le temps quand on est à l'université, ou etc. C'est parce qu'évidemment on consomme des produits qui polluent ailleurs. La Chine pollue pour que nous on consomme, c'est bien ça le lien organique. Donc il faut bien avoir conscience que pour savoir comment un pays est écologique ou fait attention, etc., il faut faire la somme de ce qu'il y a dans ses consommations, dans les produits qu'il achète. Et là vous avez le vrai bilan. Si on fait ce bilan-là, on est évidemment le plus sale continent de la planète, et on est très près des États-Unis qui ont besoin de X planètes par an pour... pour satisfaire leurs besoins. 6 planètes par an, voilà. Non, pas par an, mais... Donc la SDN, ça marchait pas, on l'a remplacée par l'ONU. Je dis pas que l'ONU marche bien, mais bon. Alors l'Union Européenne, ça marche pas. Moi, je propose l'Europe unie. Donc il y a trois lignes. Il y a les objectifs du Conseil de l'Europe qui sont essentiellement humains. Ça, on ne vous en parle pas. C'est quand même 47 pays sur les 49. Donc on peut dire que ça représente l'Europe, le continent. Le troisième point, c'est les accords d'Helsinki qui ont été, par exemple, violés pour détruire la Yougoslavie et puis réhabilités pour protéger les frontières du nouvel État slovène. Et le troisième point, eh ben, le budget de l'ex-Union européenne, parce que elle, donc tous les pays sont membres du Conseil de l'Europe, mais ils ont quand même 1000 fois plus d'argent que le Conseil de l'Europe. Voilà ma proposition. Je voulais faire... Il y a un problème avec le câble, il faut apparemment tenir. Allô ? Oui, il me semble que le lien entre les traités et la loi travail est extrêmement direct. D'abord, la loi travail a été imposée à la France par l'Union européenne dans le cadre de sa politique néolibérale, comme tu dis, ultralibérale, on peut dire comme on veut, mais en effet, la politique de défense des intérêts des grandes entreprises contre les travailleurs. Parce que la base... de tous les échanges, de toutes les lois, de toutes les normes ou non-normes, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire la défense des intérêts monopolistiques mondiaux contre les travailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard qu'il y ait une opposition aux États-Unis même contre le traité TAFTA, comme en Europe, c'est-à-dire que nous, ici, on a tendance à dire, oui, ça favorise les États-Unis, et les États-Unis ont tendance à dire, ça favorise l'Europe. Mais en effet, c'est ni l'un ni l'autre. Ça favorise les entreprises multinationales, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, contre les travailleurs. Et c'est pour ça que il faut d'abord, comment dire, que le lien est direct, hein, entre la loi travail et les traités de libre-échange, et que la seule chose vraiment possible, c'est une lutte dans chaque pays, et puis non, pas attendre que les autres pays se mobilisent, c'est-à-dire dans chaque pays, une lutte des travailleurs pour la défense de leurs intérêts qui sont directement mis en cause, tout le système néolibéral, par toutes les lois, les normes, les traités déjà en vigueur, et qui rentrent en vigueur et qui vont toujours dans la même direction. Donc, on n'a pas. Je pense qu'on fait fausse route si on imagine que on réussira d'un coup, hein, globalement, dans le monde entier, à organiser une nouvelle, comment dire, une nouvelle coopération, etc. Ça ne viendra pas comme ça. Ça ne peut venir que des luttes nationales de chaque peuple, de tous les travailleurs. Des travailleurs dans leur coin, parce que la lutte dans chaque nation, finalement, contribue à la lutte globale contre le néolibéralisme et contre les traités, les nouvelles normes et l'asservissement de plus en plus important, hein, du travail au capital. Juste, je vais demander, est-ce que l'intervenant suivant est arrivé ? D'accord. Du coup, voilà, je te laisse répondre aux questions et puis conclure, et après on passera à l'intervention suivante. Bon, bah merci beaucoup déjà au stand de l'éducation populaire. C'est génial comme principe. Je crois que c'est exactement ce dont on a besoin tous. Il faudrait que ça soit partout. J'ai beaucoup apprécié l'intervention précédente sur l'addiction. Enfin, c'était vraiment. Voilà. Bon, juste pour conclure, sur la proposition vis-à-vis de l'Europe, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi. L'Europe unie, ça peut être un concept intéressant à voir, évidemment. Et ouais, pour conclure, vous avez très bien conclu en fait, hein, on est d'accord. C'est pour ça que j'ai cité le dossier du monde diplomatique en fait, qui listait les menaces pour les Européens et les Américains, parce qu'il n'y a pas de vainqueur au traité, hein, tout le monde y perd. Et voilà, bah, pour résumer, on peut dire une chose. Il y a quatre objectifs du traité. Premièrement, la suppression des barrières non tarifaires, donc grosso modo les normes du travail, donc ça désavantage les travailleurs. La protection de l'investissement, qui investit, pas les travailleurs, mais bien les gens qui ont des ressources et les propriétaires d'entreprises. Donc de ce point de vue-là, la protection des investissements, évidemment, ne dessert pas les travailleurs. Ensuite, la croissance. Il faut rappeler que Thomas Piketty a fait une étude récemment qui prouve que environ 99% des fruits de la croissance sont redistribués à moins de 1% de la population. Quand on vous propose un traité qui fait de la croissance, du coup, on vous propose pas pour vous, mais bien pour les 1% les plus riches. Donc de la même façon, c'est assez peu intéressant. Enfin, quatrième et dernier objectif, comme j'ai déjà dit, les gains de productivité. Alors la productivité est la chose qui détruit plus d'emplois. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des interrogations sur les technologies, sur qu'est-ce qu'on utilise comme technologie, comment faire en sorte d'avoir un tissu économique qui est plus riche en emplois, moins riche en productivité et en profit. Voilà, merci à tous et vive l'éducation populaire debout.